Ah oui, les poils. Alors donc, on a Charles. Oui. Caroline. Oui. Cindy. Oui. Et un Guillaume également. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde. Bravo pour jeudi dernier. Oui, bah, j'appelle de Toulouse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bruno. Voilà, tu peux inventer des fréquences si ça t'amuse. Voilà, aussi. Toulouse 118. Bonsoir. Allez, pourquoi pas. Il y a des nattes sur Sodo. Voilà, bonsoir les Calinois. C'était très fort. Voilà. Voilà. Pas le manouche. Ouais, c'est vrai. Alors, donc Bruno, on revient avec ses problèmes de poils. Je te laisse mener ce débat. Bon, alors donc, là, j'ai une affiche sur les yeux. Ah bon? Ma première question, pourquoi que le Père Noël toujours a une barbe blanche? Ouais, ça. Bah écoute, Guillaume, est-ce que je peux répondre, Bruno? Parce que moi, je voulais dire que c'est vrai, il y a quand même deux, trois personnages historiques qui monopolisent quand même pas mal le poil. Doucement, hein, pas trop compliqué les réponses, hein, Guigui. Donc, il y a le Père Noël, c'est vrai. Écoute, Bruno. Bruno. Attends, c'est à toi qui parle, hein. Il faut que je t'ai déliminé quand même. Hop là. Alors donc. Ok. Vas-y. Pourquoi dites-vous. Ah, c'est la deuxième question. Okay, oui, c'est la deuxième question. D'accord. Oui, oui, oui. Alors si tu remplaces Gérard, il faudra quand même que tu prévois 150 questions parce qu'il faut que tu tiennes jusqu'à 2h du matin. Mais vous savez, je suis tellement émue que bon. T'oublies que quand tu poses la question, il faut donner une réponse. C'est comme si on me jetait dans une piscine et puis qu'on me dit, bon ben allez, essaye de nager. Essaye de nager. Sauf que toi, dans la piscine où on te fait. Il n'y a pas d'eau. Il y a un peu la fin. Oui. Cindy, est-ce que je pourrais te poser une question? Non, malheureusement, parce qu'on passe à la deuxième. Il n'a pas le temps. D'accord. Pose la deuxième question. Alors, ma deuxième question, pourquoi dit-on, c'est barbant, toujours dire c'est ennuyeux? Mm-hmm. Ouais. C'est ennuyeux parce que ce fut un temps où c'était ennuyeux. Top, troisième question. Si. Bon, donc alors ma troisième question. On y va. D'où vient. Oh, quatrième question, vas-y, en qui. La quatrième question. Vas-y. D'où vient la barbe à papa. Ouais. Et ce que la rhubarbe a un rapport. Oui. Avec la barbe. Oui. Tu peux reposer la troisième. Alors la troisième, je... Me l'embrouillez pas le gamin, me l'embrouillez pas. Pardon, excusez-moi. D'où vient la barbe à papa? Alors... On rappelle qu'il dessoule là, quand même. Alors la troisième question. Non, allez, sérieusement, Bruno. D'où vient la barbe à papa? D'où vient la barbe à papa? Moi, je pense qu'il faut quand même aller voir du côté des fêtes foraines, hein, Bruno. Oui. Ouais, d'accord. Je pense que c'est quand même le lieu de prédilection de reproduction de la barbe à papa avant toute chose quand même. Oui. Ouais. Est-ce que ouais. Mais pourquoi une fixation sur les barbes? Je comprends pas, Bruno. Quel est ton problème? Pourquoi? Est-ce que tu as une barbe, Bruno, toi-même? Ben moi j'en ai une, oui, mais bon. Pas de barbe là, t'es rasé de près là, t'es blanc comme un cachet d'aspirine. Oui, c'est vrai mon petit Max, mais quand même ça pousse vite une barbe. Ah, il était en Angleterre, pas en Philippines. C'est certain. Hein. Alors je voudrais vous. Pardon. Cinquième question. Alors je voudrais vous poser la cinquième question. La rhubarbe a un rapport avec la barbe? Non. Ben, je pense qu'ils n'ont pas eu de rapport ensemble, mais. Il y a un rapport étymologique hein, quand même. C'est plutôt platonique. Hein, Bruno? Ah oui. Ouais. Ah bon. Ouais, c'est sûr. C'est quoi Bruno platonique? Je comprends pas. Comment? Platonique. La tonique? Non. Ouais. Il faut que tu définisses platonique. Parce que c'est plat et tonique. Parce qu'elle dit ça dépend de c'est la tonique. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors je vais être franc avec vous. La tonique, on m'a expliqué, mais alors j'ai complètement oublié de ce que ça voulait dire. Ah, dommage. Voilà, donc oui. Ça peut être expliqué en anglais. Chez les Romains, là, la tonique. Non, c'est la tonique. C'est chaud, quoi. La tonique. C'est tonique. Vous êtes en train de lui retourner le cerveau, gars. C'est tonique. Bah, et toi, Bruno. Il transpire, calme-toi. Bruno, c'est pas grave. Passe la 5. Bruno, bon, alors. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, il a tombé dans les pommes. C'est Guillaume, je voulais savoir, toi, t'es plutôt. Quelle tendance au niveau de la capilliculture? T'es plutôt dur, tendance dure ou plutôt tendance modérée? Dur à propos de quoi? Au niveau de la capilliculture quand même. Au niveau de la racine. Au niveau capillaire, on va simplifier un petit peu, au niveau capillaire. De la racine ? Voilà, de la racine du poil, du bulbe. Et comment, t'es... C'est dur, t'es modéré. Ah, il a compris. Personnellement, la barbe, elle est pas dure, mais le problème, c'est que maintenant, ça pousse énormément. Comme tout le monde, Bruno. Oui, tout à fait, exact. Tu traces tous les jours ? Non, pas tous les jours, Max, non. Tous les deux jours ? Tous les deux jours, mais... Avec quoi ? Oh ben, je me rase avec un rasoir normal. Bon, je me rase avec un rasoir mécanique, mais un rasoir mécanique, c'est toujours pareil. Il faut avec des silex. Non, c'est des bics. C'est ah, des stylos, d'accord. C'est des bics, mais bon, c'est toujours pareil. Il faut toujours acheter des rasoirs pour raser. C'est quand même embêtant. Hein. Pardon, mon petit Max. T'as qu'à tracer au feu, si t'as la barre de tracer au bic. À la gomme. Non, mais écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Vas-y, balance. On est à l'an 2000. Bon, on est en l'an 2000. Bon, bientôt, on va être à l'an 2002, à l'an 2001. Ouais. Bon, alors, puisqu'il y a des chercheurs qui font des recherches pour certains machins, pourquoi ils inventeraient pas un espèce de rasoir? Ouais, c'est pas repousser la barbe. Un rasoir où on va s'y retrouver, d'ailleurs, vous allez voir. Écoutez bien la logique de vous. Peut-être que je parle pour rien dire, que je ferais bien me dire. Il devrait inventer un espèce de dispositif qui se rapprocherait d'un rasoir mécanique, sauf que ça supprimerait la barbe d'une façon ou d'une autre avec un espèce de rayon laser ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est des bêtises que je raconte. Au nucléaire, je pense. Ouais, qu'est-ce que tu penses d'un rasoir à l'acide chlorhydrique? Ça pourrait le faire, ça, pour la barbe. Ça décape quand même, ça décape bien, quoi. Ça évite toute repousse, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Ben, ça serait peut-être bien, mais moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais pas quelles sont les conséquences. Alors. Et tu serais prêt à servir de cobaye pour un rasoir à l'acide chlorhydrique, toi? Non, parce qu'il est en touring, il fait le touring de Grande-Bretagne, il n'a pas le temps. Je fais le touring de Grande-Bretagne. Ouais. Et les Anglais se rasent d'ailleurs. Pas tous, moi. Moi, je vois des Anglais qui sont aussi poilus qu'un bouquetin, certains. En France, on a des gens qui sentent comme les bouquetins, hein, tu sais. Chacun son truc. Il y en a qui sentent le bouc. Oui, ils sentent très mauvais en France. Mais de toute façon, ils ont forcément raison quelque part, parce que se raser, c'est pas une sinécure. D'ailleurs, en parlant d'odeur, il y a une fusion qui se passe, qui se repassera demain entre donc le retour de Bruno et de Gérard, les deux. Mm-hmm. Ça fait une sorte de mélange. La bête et le bête. Il se passe un truc dans le studio, je vous assure. C'est un peu comme un petit sapin de voiture en caca. Je veux que ça soit le sapin magique, c'est la crotte magique. C'est une sorte de caca. Ah, sacré Gérard, on t'embrasse très fort. Tu te parfumes à quoi, Bruno? Moi, j'ai. C'est-à-dire que, bon, quand on se parfume, il faut faire attention parce que des fois, on est entouré de gens. Bon, mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait un parfum qui se fasse pas trop sentir, mais qui élimine les mauvaises odeurs, par exemple. Moi, c'est comme ça que je vois, je sais pas. Hein. Quand on prend une douche, qu'on prend pas de parfum, c'est comme si on faisait rien. Hein. Autant pas prendre de douche, quoi. C'est ce que Gérard a fait. Voilà. C'est ce que Gérard, d'ailleurs. Sauf que Gérard, il se lave pas, mais il met de l'Antarctique par-dessus. Ouais, et il a du poil. Ou alors on peut. Ça s'effondre direct. mais ça s'effondre la neige. D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur, je sais pas si vous l'avez entendue. Mm-hmm. Il paraît que Sandy, elle aurait mangé des farines animales. Ouais. Et qu'elle serait en fait la précurseuse de la vache folle. Non, je sais pas. On lui demandera parce qu'elle sera là dans un instant avec Gérard, justement. Attends, ils vont la battre. Hein. Alors. Et qu'elle tue des moustiques avec sa queue. On est loin des poils. Bon. On parle de Sandy, on est prêt. Alors là, on est dans l'épiderme. Bruno, conclusion de tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le poil quand même, pour revenir sur ce sujet? Eh ben, sur le poil, pour l'instant, on a, dans l'immédiat, on connaît que le rasoir mécanique, les rasoirs qui se rasent, on n'a pas trop de solutions pour supprimer le poil, et d'après moi, c'est pas encore fait, parce que d'abord, il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui s'intéresse au sujet quoi, parce que il y a quand même des progrès. Bruno, regarde, avant il y avait une lame, après il y a eu deux lames, maintenant il y a trois lames, il y a quand même un peu d'investissement financier au niveau des recherches quand même. On peut pas te laisser dire ça comme ça quand même. Tu crois pas qu'on pourrait inventer un médicament? Non mais il est embrouillé, c'est plus ce qu'il pense le pauvre. Vous me dites un médicament? Oui, un médicament. Qui enlève le poil de poussée? Ben pourquoi pas? Oui, mais encore faut-il que est-ce que c'est faisable? Ça, on n'en est pas sûr. Hein. Ben ouais. On n'en est pas sûr. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de poil, mais tu parlais du monopole du poil. Tu parlais du Père Noël tout à l'heure. Il y a quand même des gens comme le Père Noël, Moïse ou Demis Rousseau sous Sandy qui monopolisent le poil quand même dans ce bas monde. Il y a pas une répartition égale du poil, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas normal, ça, Bruno. Oui, je suis d'accord. Hein. C'est pas normal, je veux dire, libérer les poils, il en faut pour tout le monde, quoi. Oui, mais moi je vais vous dire un truc. Pour les bonnes femmes, c'est une solution à peu près résolue. Elles ont une espèce de rasoir qui enlève le poil. Moi je me rase, ça sort pas. Hein. Je suis poilue et je suis pour les poils. Et je prends n'importe quel rasoir et j'arrive pas à enlever les poils. Ah, c'est peut-être pas des poils alors. Mais c'est pareil, de toute façon, elles ont un rasoir, elles enlèvent les poils. Pour moi, c'est de reculer dans le mur pour ne rien faire. De toute façon, ça pousse tout de suite après. Bon, bon, bon, bon, je parle bien. Il est à l'aise, hein. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Il s'applaudit en plus, il est magnifique. Bruno, toi, les femmes, tu les aimes comment? Tu les aimes bien épilées, genre maillot brésilien, tout ça? C'est une bonne question. Guillaume, t'as touché un sujet délicat. Les femmes chez Bruno, alors tu les aimes comment? Moi la femme idéale, c'est sans poils, enfin des jambes minces et pas des j'aime les tatoués. Des grandes femmes grandes, anglaises ou françaises, hein, blondes. Blonde avec des yeux bleus, hein. J'aime bien les femmes, moi. Ouais, porte poitrine. Grande. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une fille qui est venue dans les studios qui vient d'arriver, d'ailleurs son prénom. Sandrine. Sandrine. Comment, elle te plaît, Sandrine? Par exemple. Oui. Bon, elle a pas de sein, elle est brune. Mais bon. Oui, elle me plaît. Mais, comment? Si t'étais, attends, Bruno, si qu'est-ce que vous avez dit? On a entendu un rire, c'est quoi? Je croyais que c'était Sam Z qui était entre nous. Sam Z. C'est pas mon directeur, non. Ah bon? Non, c'est vraiment Sandrine. Bruno. Oui, je t'écoute. Si t'étais amoureux d'une actrice ou d'une chanteuse, si t'avais un modèle, ça serait qui? Juste pour faire une idée, si on pouvait avoir un nom quand même. Bon, alors moi, il faut que je vous le précise. J'ai envoyé des cartes à Phone Radio et je me rappelle que je semblais faire part de quelqu'un que j'aimais bien, c'est Céline Dion. Ouais, elle chante bien. Ok, elle est belle. Exact, oui. Et est-ce que tu comptes faire du coup un grand touring là du Canada du coup? Ben, moi je vais vous dire, je sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on parle, mais mon plus grand rêve. On est toujours dans les poils là, on est toujours dans les poils. Pardon. Hein. Ton plus grand rêve, ça serait? Eh ben. Mon plus grand rêve, je sais que ça a aucun rapport avec mon plus grand rêve que je voudrais exaucer, c'est de partir en Amérique pour faire une émission de radio, non pas pour avoir le plaisir de connaître l'Amérique, mais pour faire une émission de radio en anglais. En américain, tu parles l'américain alors. Je parle anglais, enfin c'est tout comme. Je vais proposer quelque chose puisque j'imagine que Charles, Caroline, Cindy et Guillaume, vous parlez anglais couramment. Si on pourrait très bien continuer, refaire ce débat, mais en anglais. Est-ce que... On y va, no Bruno problem, no problem. Ok, Bruno, fais le débat en anglais. Vas-y. Ok, Bruno, do you want to fuck me in the ass? with your finger. What about Bruno? Bruno. Oui, je. You don't understand, maybe, maybe. Do you want to fuck me now? What? Yes. Yes or no. Alors, laissez-le parler. Alors, pose une question en anglais, Bruno. En anglais, Max. Juste one questions. What about? Why? Ça suffira. Why? Guillaume. Alors Guillaume. Yes, Guillaume. Because. Because. Second question. Second question. Second question. Why? Why? Qui veut répondre? Guillaume de nouveau. I'll say. Maybe. Yes. Just one person for question. Alors, yes. Another question. Charles. Bruno. I want to say it's true if Sandy eats animal farines and then. It's not possible to continue to dear to. Foucault is going to France. Another question, Bruno. Mi questions very very interesting. Question. Silence. Question. Another question. Why? 40 questions. 40 questions. On en a pour eux. Ok. Une autre question. 1, 2, 3, 4 questions. Sorry, excuse me. 4 questions. Why? Why did you respond? Caroline. Perhaps. Yes. Good. Good weapons. Yes, very, very interesting question, sir. Ah, they are very interesting. First, ketchup. Why, yes. Sorry, ketchup. Ketchup, yes. Chips, oh, very good. Oh, yeah. Another question? Five questions. Je vais servir du débat. Si vous êtes là, vous y restez maintenant. Si on pouvait changer de nom, c'est abusé, là. Alors, cinquième et dernière, une dernière question. Last question. On en a la cinquième, il y en a 40. Okay. Five questions. Alors, Caroline. I don't know. Yes. Okay, thank you. Tu pourrais faire un débat aux États-Unis. Elle va cartonner ton émission de radio. Faut écrire au Word. Ça va être une tuerie. Bruno. Ça va? C'est bon, il y a du sang dans le cerveau. Non, mais il est ému. On peut le dire officiellement. Bravo, ce soir. Bruno vient de rentrer dans le show business. Bravo. Ouais. Very thank you very much. Very good for you, me. Allez, maintenant tu t'en vas. Excuse-moi, on vient de recevoir une dépêche. Tu viens de ressortir du show business. Bravo. Voilà. Mister Cocktail. Il manque plus que lui. Et là, la boucle est bouclée. Bon. Bruno, tu parles pas espagnol. Est-ce que tu parles espagnol? Ah si, hola, que tal, hombre? Gusta la felación. Alors, tu parles espagnol? Oh my god, no possible speak Spanish. Ah, non, okay. Oh no, no. Excuse me. Very, very difficult to speak Spanish. Oh no, no, no. Si, si, si, pero entiendes. Bon, il est ému, il est ému, il est ému, c'est normal. Bon, en tout cas, on a donc, faudra dire à Gérard que le débat sur le poil n'est pas utile puisqu'il a été abordé tout à l'heure. Tout à fait, et bien abordé d'ailleurs. Et bien abordé sur toutes ces structures. On a fait le tour du poil, hein. On a calé, hein. Il a été rasé. Bruno est beaucoup plus calme. C'est vrai que Bruno, un de ces quatre, peut-être que tu feras un débat avec nous. Ah, j'ai dit, c'est gars, c'est de la concurrence. Mais j'espère bien. Ben écoute, très bien. Avec Gérard, ça peut être folklore.